Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 2 mai 2017. Bonjour et bienvenue Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. C'est la semaine du 22 mai 2017 et comme toujours, on va faire quelques extraits de chroniques d'ici la fin de l'émission parce que j'ai un petit peu le rhume. Donc on va essayer de faire des bouts de Television, de la chronique de sciences, technologie et médecine, merci science et le segment geek CNX. Dans une vingtaine de trentaine de minutes environ, ça va être la chronique d'un autre gamer à l'autre avec Frédéric Simon. Salut Frédéric, ça va? Salut Mathieu, ça va bien toi? Oui, très bien. Est-ce que tu vas mieux que moi? Je dirais que oui, mais mes allergies me fassent fort aussi. Ben, j'avoue que les allergies, l'été, c'est pas mal à son comble. Oui. Et est-ce que tu te soignes un peu? Oui, des gouttes à tous les jours. Ah, des gouttes? Ah oui, parce t'es que t'es où, tes gouttes? Dans les yeux. Ah, les yeux. Je sais pas, je me disais qu'il y avait peut-être des affaires pour la bouche, ou je sais pas. Non, c'est vraiment dans les yeux. Ouais, ouais. Ah, c'est plate, ça, c'est plate. Ah. Hier, moi, pour ma gorge, comme je développe un petit rhume, je me suis pris 2 cuillerées à soupe de miel. On va voir si ça va aider. On va voir. On va voir, je vais m'abreuver tout le long de l'émission pour essayer de toffer comme faux. On a 2 heures à passer ensemble. Pour commencer l'émission, ça va être la chronique Tout ce qui bouge dans quelques instants. Avant ça, par contre, je dois vous dire qu'on a débuté l'émission avec un cover de la pièce Come and Get Your Love par Redbone. C'est sur la trame sonore de Guardians of the Galaxy Volume 1, version en chiptune par Little Bit Boy. Le garçon avec une petite bite. C'est traduction littérale. Traduction littérale, j'aime bien ça. Donc, on va continuer ça avec une autre pièce d'un artiste que j'ai fait jouer la semaine passée à outrance. Je pense que j'ai fait jouer 3 pièces la semaine passée de Amateur LSDJ. On écoute une autre parce que c'est trop bon. C'est l'extrait Equestrian. Tout de suite, ah tiens, contrairement à la petite bite de tantôt, un cheval équestre, ça va être une grosse, grosse bite. Tyrese et Equestrian tout de suite. Oh, Mathieu Blanche, show. Je blâme le rhume pour ses gags inappropriés. Amateur SDJ ou Tyrese avec la pièce Equestrian. J'aime bien, c'est super redondant, mais je trouve ça quand même entraînant. Je crois que même la musique qui est faite pour être la plus divertissante est souvent la plus redondante, comme on dit. Maintenant, c'est le segment CNX, c'est tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, c'est tout. On commence à pied, on va dans les montagnes. Avec le mal aigu des montagnes, qui est un risque à ne pas négliger. On dit que dans les Alpes, dans l'Himalaya, en escalade ou en trekking, les variations d'altitude peuvent vite engendrer le mal aigu des montagnes. Il peut être mortel, comme l'a montré le drame survenu récemment sur les pentes de l'Everest. La prévention consiste à monter lentement et par palier, oui. Lorsque les symptômes surviennent, il faut redescendre. Généralement bénin, le mal aigu des montagnes, qu'on appelle le MAM. Pour vrai, on appelle ça le MAM. Qui touche chaque année des milliers d'alpinistes ou de trekkers et aurait entraîné le décès de 4 alpinistes sur le massif de l'Everest récemment, peut parfois être fatal. Maux de tête, nausées, sommeil difficile, vertige, ces signes le plus souvent bénins surviennent quelques heures après l'arrivée en altitude. Ce mal des montagnes traduit une acclimation incomplète à l'altitude. Au-dessus de 3500 mètres, une personne sur deux est atteinte de MAM bénin et une sur 100 de complications graves comme un œdème pulmonaire ou un œdème cérébral selon la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Il ne faut pas minimiser ces signes d'une mauvaise adaptation à l'altitude. Le mal de tête peut être être soulagé par la prise d'aspirine ou de paracétamol, et si on monte pas trop vite, en respectant une progression par palier de 400 mètres entre deux nuits, on peut continuer. En revanche, si le fort maux de tête persiste avec des vomissements, voire des vertiges, il faut redescendre, recommande un médecin de l'Institut de formation et de recherche en médecine de montagne. L'organisme a besoin de temps pour s'adapter au manque d'oxygène. Moi, je dirais que c'est plus le mal des mouvements que j'ai jamais vraiment essayé les hauteurs. Pour ma part, j'ai un peu le vertige. Ouais, hein. Est-ce que tu fais des manèges? Est-ce que tu deviens vert quand tu fais des manèges, toi? Dans le manège, non. Ça dépend lesquels encore. J'aime pas trop, mettons, leur bite à la ronde. Ouais, bah. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi le mot bit revient sur. Les troubles surviennent le plus souvent à partir de 3500 mètres, comme je le disais. Ils peuvent s'accompagner de gonflement des mains ou des chevilles. Une fatigue anormale, un essoufflement au repos et une baisse de volume des urines qui s'y ajoutent doivent alerter. L'œdème pulmonaire de haute altitude peut survenir brutalement, comme des sensations d'étouffement, respiration bruyante, lèvres bleuies et parfois ressembler à une bronchite. L'œdème cérébral est caractérisé par une fatigue extrême, des vomissements, un mal de tête insupportable, de la peine à tenir debout et des troubles du comportement. Le coma survient alors rapidement. Et dès l'apparition des premiers symptômes, il faut redescendre au moins de plusieurs centaines de mètres. Fait que tu te trouves un autre petit job à faire quand même. Parfois, le mal de tête est absent et les symptômes peuvent se limiter à une grande lassitude ou les troubles de l'équilibre ou du comportement, comme de l'agressivité ou de l'abattement. C'est grave. Ouais. Ces deux complications, l'édème pulmonaire et cérébral, sont des urgences extrêmes. La redescente et le placement en caisson hyperbare s'imposent. Selon le médecin de Lee-Fremont, dont j'ai parlé tantôt, moins d'une dizaine de cas de ces complications, surtout d'édème pulmonaire, ont lieu chaque année sur le massif du Mont-Blanc. Ensuite, on va à l'aéroport, où des robots se garent à votre place. C'est une compagnie française, Stanley Robotics, qui a mis au point un robot du nom de Stan qui gare votre voiture à votre place dans les parkings. Déjà en vigueur à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, ce système de voiturier robotisé devrait être adopté dans d'autres aéroports. La start-up vient de soulever 3,6 millions d'euros auprès de LA Partners, BPI France et Ininvest Partners pour construire des robots géants qui prennent votre voiture à l'entrée d'un parking et la garent pour vous. Avec son robot Stan, l'entreprise compte s'emparer du marché très lucratif que sont les parkings d'aéroports, aux coûts souvent exorbitants, pour rendre ces derniers plus efficaces dans leur organisation et optimiser l'espace. Ce robot connaît votre itinéraire et la date de votre retour, donc il va ramener votre voiture juste avant que vous atterrissiez. Et si vous vous absentez pendant un long moment, le robot sait qu'il peut garer votre voiture dans un coin et garer un autre véhicule en double fil devant elle. Le robot Stan s'adapte à tous les types de voitures et il n'a même pas besoin de vos clés pour opérer. Il bloque les roues de votre véhicule, soulève toute la voiture et la dépose dans un emplacement du parking. Levez ton char, tu sais, tu peux lever ton char apparemment quand t'es genre en danger puis que ton corps... La poussée d'adrénaline. C'est ça. Mais eux, ils font ça en permanence. C'est fort. Après des années de mise en œuvre, Stanley Robotics a signé un contrat avec l'aéroport parisien Roissy-Charles de Gaulle, où le robot Stan garde les véhicules des voyageurs. Les parkings constituent une part essentielle des revenus des aéroports, ce qui explique que ces derniers soient prêts à investir beaucoup d'argent dans des systèmes robotisés. Par ailleurs, travailler avec Stanley Robotics coûte moins cher aux aéroports que la construction de nouveaux parkings, même si les aéroports devront à terme en construire, tant les besoins sont importants. Avec les nouveaux financements de Stanley Robotics, la start-up ambitionne de signer de nouveaux contrats avec plusieurs aéroports dans le monde. Il faut leur faire confiance, Robo. Faux. J'ai peur, j'ai un peu peur, moi. Il pourrait se revirer contre toi. S'il veut lever le char alors qu'il était dedans, hein, puis te faire aller de tous les bords, je sais pas. Mais de plus en plus, on parle d'apporter une conscience aux robots. Ouais. Je sais pas. S'ils veulent se partir un sport de robot du lancer de la voiture avec humain dedans, ça pourrait aller loin. Maintenant, un immeuble à distributeur automatique de voitures de luxe. Là, c'est l'immeuble au complet qui devient intelligent. À Singapour, on peut commander une Bentley en quelques clics et en disposer en 2 minutes chrono grâce à ce distributeur automatique hors du commun. Après les distributeurs de boissons, de pizza et autres, mais maintenant, c'est des voitures de luxe. Une drôle d'installation qui permet d'acheter une Ferrari, une Bentley ou une Lamborghini en quelques clics. C'est à Singapour que l'entreprise automobile Autobahn Motors a ouvert un magasin hors du commun qu'elle a mis 3 ans à concevoir. Celui-ci s'étend sur 15 étages avec au rez-de-chaussée un espace où les clients peuvent choisir sur l'écran tactile la voiture qu'ils souhaitent acheter. Un système automatisé qui est le Automotive Inventory Management System. Il va chercher les véhicules dans l'un des 60 emplacements et l'amène au client en 1 à 2 minutes. Ceux-ci peuvent aussi passer la commande directement depuis une application pour le téléphone intelligent. L'objectif avec ce magasin hors norme était de tirer profit du peu de place disponible dans la ville et de se démarquer de la concurrence. Le concept a visiblement plu. Même ça doit être extrêmement cher à chaque fois que tu achètes quelque chose. Ben évidemment, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Ben c'est ça, mais à monnaie. Tu vas faire changer tes billets en monnaie. Tu payes en PayPal. Ben, c'est ça. Il n'y en a pas de problème. Voilà, tu pars avec ta Ferrari. Donc, c'est pas la première compagnie à avoir conçu un immeuble distributeur de voitures, nous dit-on. La compagnie américaine Carvana exploite déjà plusieurs de ses bâtiments automatisés, et ce depuis plusieurs années, mais ils ne peuvent accueillir que 30 véhicules. Ensuite, on va finir bientôt, on voit que ma durée de vie sur la chronique est à date de 5 minutes, pas mal plus que ça. On dit que seulement 5% de voitures autonomes suffiraient à éliminer les bouchons de circulation. La présence de voitures autonomes dans la circulation permettrait de fluidifier le trafic, assurent des chercheurs de l'Université de l'Illinois. Et si les voitures autonomes nous aidaient à diminuer les bouchons? D'après une étude du département d'ingénierie de l'Université de l'Illinois, il suffirait de 5% de voitures sans conducteur au cœur du trafic pour réduire les effets d'accordéon. Alors que la circulation est normale sans présence d'accidents ou de travaux, il arrive que les conducteurs créent des ralentissements. Ça s'appelle des bouchons fantômes. C'est le résultat du non-respect des distances entre les véhicules ainsi que des changements de fil ou des freinages intempestifs. C'est la disparition de ces effets accordéon grâce à un véhicule autonome que les chercheurs ont voulu démontrer. Ils ont donc mis au point une expérience dans laquelle il a été demandé à 21 personnes de conduire en cercle. As-tu déjà vu ça sur Internet? Non. C'est en cercle. Puis les voitures avancent au même rythme. Tu sais, c'est une route, là, il n'y a pas de sortie, c'est juste un cercle. Puis plus le temps passe, plus ça fait un bouchon de circulation dans le cercle. Donc il n'y a aucune raison que le bouchon ait lieu à part les humains dans les chars. T'sais, tu vois, genre, ça tourne, puis à un moment donné, ça commence à ralentir. Pourquoi? À cause d'un épais. C'est souvent ça. Donc, ils ont demandé à 21 personnes de conduire en cercle dans des conditions similaires à un embouteillage. Un des véhicules était doté d'un mode autonome programmé pour rouler à la même vitesse que la voiture devant lui, évitant ainsi les accélérations et les freinages brusques. Le résultat s'est montré probant. Je l'ai vu venir, ça, là. Dès que le véhicule passe en mode autonome, le trafic s'écoule à nouveau de manière fluide. Les variations de vitesse baissent alors de 80,8% et les freinages excessifs passent en moyenne de 8,58 à seulement 0,12 par kilomètre par véhicule. Cette expérience a également montré que la stabilisation de la circulation avait permis d'économiser 40% de carburant, selon les chercheurs. Reste maintenant à vérifier si cette théorie est applicable si on fait rouler les voitures sur plusieurs voies. Pas la même chose. Selon les auteurs de l'étude, le résultat devrait théoriquement être similaire. Faudrait que l'algorithme des voitures autonomes prenne en compte les espaces vides laissés par les véhicules lorsqu'ils changent de fil. Voilà, je vais arrêter ici pour cette chronique de Tout ce qui bouge. On en garde pour la semaine prochaine, pourquoi pas. Hein? On va retourner en musique. Après ça, par contre, on va aller avec Frédéric Simon et sa chronique sur les jeux vidéo rétro. De quoi est-ce que tu nous parles aujourd'hui? Je vais vous parler des jeux qui ont marqué mon enfance, en passant un peu moins de temps sur les classiques qu'on connaît, mais je vais quand même en parler parce que évidemment ils m'ont aussi marqué. Ouais. Puis ensuite, je vais vous parler un petit peu d'un jeu auquel Samuel Girard et moi et Rock Généreux avons joué cette semaine. C'est un remake de Pokémon Uranium. Ok, on a manqué d'éléments, il fallait se rendre jusqu'à l'uranium. On aime ça. Donc tantôt dans la chronique de jeux vidéo rétro de Frédéric Simon, et t'as dit qu'il y avait un lien avec les chevaux parce qu'on a entendu une pièce qui s'appelait Equestria tantôt. Oui, quand on sera rendu à parler de PlayStation, okay. C'est un bien. On attend ça, mais pour l'instant on écoute une pièce, tu sais, qui nous vient de Zelda. C'est A Link to the Past qui reçoit le traitement du synthétiseur analogue. Intéressant. Donc voici Switched on Super NES avec Opening tout de suite au Mathieu Planche.

Télévision, la chronique où on parle de nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. On commence au Québec avec une décision du CRTC qui pourrait avoir raison des productions québécoises sur la chaîne spécialisée Série Plus. Mm-hmm. C'est triste, hein? Donc, Corus Media, qui est propriétaire des chaînes Série Plus et Historia, était tenu d'investir 1,5 million de dollars par année dans des productions québécoises. Sur Vie, qui a été un majestueux flop récemment. Je sais pas si ça a été populaire en code d'écoute, mais en termes de qualité, c'était écorché par pas mal. Il y a eu Le Berceau des Anges, Sequel, la suite de Mirador et la série Plan B, qui actuellement fait vraiment beaucoup, beaucoup de code d'écoute sur Série Plus. C'est né de ce 1,5 million de dollars là par année. Une récente décision du CRTC d'assouplir les conditions de contenu canadien original francophone permet désormais à des chaînes comme Série Plus de ne plus produire d'émissions québécoises du tout. Le Journal de Montréal rapporte que la chaîne avait 3 projets de fiction québécoise dans sa mire avant d'apprendre la teneur des nouvelles mesures du CRTC. Et maintenant, le réseau a abandonné complètement ces 3 séries-là aux grandes dames des producteurs qui souhaitent ardemment que Série Plus se change d'idée. Mais ils n'ont pas de raison de le faire parce que c'est pas vous autres l'important, c'est l'argent. Et voilà. Et voilà. La chaîne Historia a récemment produit sa première fiction originale, Béliveau. Et cette télé-réalité historique, Le Lot du Diable, a connu un succès assez appréciable. J'imagine qu'ils vont faire un petit peu de mix and match. Là, ils vont y aller avec ce qui pogne vraiment beaucoup. T'sais, si Historia, ça marche plus, les affaires originales, ils vont mettre plus d'argent là. Moins d'argent à Série Plus ou les reprises d'émissions américaines marchent. C'est un fond du... C'est pas cool. Donc, c'est ça. C'est Corus Media. Et on va voir, parce que Plan B, pour vrai, a tellement de succès en ce moment que peut-être qu'ils vont se dire, bon, on va au moins en garder une. Ça serait bien. Au moins. Au moins. Je veux dire, sérieux, la chaîne sert à quoi si tu mets des reprises d'émissions de d'autres postes? Tu sais? Tant qu'à ça. Ben, c'est le cas de plusieurs chaînes, mais en tout cas. Oh, que oui! Ah, ça, c'est vrai. Surtout ceux qui suivent pas la mission qu'ils avaient par le CRTC. Musique Plus. Musique Plus. Changer ton nom pour M+. Tu sais, comme ils ont fait avec Musimax, qui est devenu Max, pourquoi est-ce que Musique Plus s'appelle encore Musique Plus? Question qu'on se pose. La Suède est séduite par les recettes pompettes. Ah, après la France, qui n'est pas la seule à avoir succombé aux recettes pompettes d'Éric Salvaille en Europe. L'émission a donc été vendue en Suède. C'est l'entreprise Nice Entertainment Group qui a acquis le titre anglophone Tipsy Recipes. Je préfère quasiment le nom en anglais, c'est beau. Mm-hmm. Tipsy Recipes, ça rime, recettes pompettes aussi. Fait que dans le fond, c'est beau. Les deux sont beaux. Afin d'en faire une nouvelle adaptation, l'acheteur regroupe 30 compagnies réparties dans 17 pays. Pour le producteur et animateur Éric Salvaille, c'est évidemment... quelque chose d'emballant. Je vous saute la citation du gars qui est super excité. On s'en imagine, il est vraiment gossant. Offert depuis 2015 sur les ondes de V, l'émission humoristique a déjà eu droit à 3 saisons où la consommation de shooters de vodka agrémente la création de différents plats culinaires. Pas besoin de vous le présenter plus que ça. Ensuite, on reste au Québec, en fait, mais on parle de série américaine. Télé-Québec, qui vient d'acquérir l'intégralité de la série House of Cards. Ça va faire son entrée à la télé francophone en exclusivité en 2018. Son accord avec Sony Pictures Television, qui distribue la série à l'échelle mondiale, Télé-Québec devient le diffuseur exclusif des 5 saisons de la prestigieuse série. Le drame politique qui captive tant le public que les critiques depuis ses débuts en 2013 et dont la production de la 5e saison s'est terminée en février. La série a gagné 6 Emmy Awards et 2 Golden Globes. C'est une plonge dans la vie du congressiste Frank Underwood, joué par Kevin Spacey, et de sa femme Claire, jouée par Robin Wright, qui sont prêts à tout pour atteindre les plus hautes marches du pouvoir. Corruption, manipulation, jeu de coulisses à la Maison-Blanche, alliance improbable, trahison. Le couple n'hésite pas à réécrire les règles du jeu et à mettre de côté la moralité pour parvenir à ses fins. Donc voilà pour House of Cards à Télé-Québec en 2018. L'as-tu regardé? Non, mais tant qu'à regarder la série House of Cards, regardez l'addon en anglais. On est tellement de mauvaise foi, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est pourquoi pas regarder les appendices plutôt à télé? Ben, je te scoop, oui. T'as bien raison, toi. T'as bien raison, je suis d'accord avec toi. Donc, acquisition quand même qui doit avoir coûté cher, comme on l'a dit, par Télé-Québec. C'est basé sur une série britannique, mini-série britannique, qui, à l'époque, dans les années 90, jouait aussi à Télé-Québec. Vous savez ça? La version originale jouait à Télé-Québec sous le nom de Château de cartes. Oh là là. C'est beaucoup plus beau en français. J'aime ça. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça House of Cards? Même en français, je comprends pas. Donc voilà, 2018 pour ça, si ça vous intéresse d'écouter ça en français. Avec, je sais pas s'ils vont faire, tu te rappelles sur Netflix, c'était Anne Dorval qui faisait une voix là-dedans. Puis rendu plus loin dans la série, c'est rendu les voix françaises. Hein? Je sais pas. Je sais pas si on va voir la version québécoise. Mais pour avoir comparé Game of Thrones avec le Trône de Fer, les voix françaises, c'est pas toujours super. Oh, moi, de toute façon, les Français. Hein? ensuite, on va parler encore une fois de version francophone. J'en parle pour les gens que ça peut intéresser. Le Twin Peaks va être diffusé à Super Écran en français. Donc, Super Écran qui annonce qu'il va diffuser dès le 19 septembre prochain, 20h, la suite tant attendue de Twin Peaks. Après sa diffusion sur Showtime à compter du 21 mai, plus de 25 ans se sont déroulés dans la vie comme dans la fiction. L'agent Dale Cooper, joué par Kyle MacLachlan, est de retour dans la petite ville culte. Je suis pas sûr qu'une ville puisse être culte. Ben, la série est culte. Religieuse, mais... Ah, ça se peut. Imaginons 90 par David Lynch et Mark Frost. Les créateurs renouent avec les acteurs, donc Kyle MacLachlan, Cheryl Lee, Ray Wise, Matt Amick, entre autres, et place l'intrigue 25 ans après la découverte du meurtre de Laura Palmer. Plusieurs autres noms vont se joindre à la distribution d'origine, dont Naomi Watts, Monica Bellucci, Laura Dern, Amanda Seyfried, Jennifer Jason Leigh, Jim Belushi, Ashley Judd, Michael Cera et Tim Roth. Ça en fait beaucoup de monde. Non? Ouais. En 91, Twin Peaks avait remporté 3 Golden Globes, dont celui de la meilleure série dramatique. Ça a été réalisé par David Lynch et la nouvelle saison compte 18 épisodes de 60 minutes. Ce qui est cool pour un remake, les remakes sont souvent de très courte durée d'habitude. Les deux premières saisons sont disponibles sur l'application Super Écran Go dès maintenant pour les abonnés. Et seront présentées à VRAC dès le 9 septembre. À VRAC. Ton air dubitatif. À VRAC. Twin Peaks, série de science-fiction pour adultes. À VRAC. Ils ont changé de créneau, faut croire. La semaine passée, on faisait le tour des nouvelles séries qui s'en venaient cet automne. On a parlé des grands réseaux, on a parlé de ABC, de CBS, de NBC, de Fox. Et on n'avait pas parlé de CW. Et là, je me posais la question la semaine passée. Comment ça que j'ai pas mis le lien dans mes notes? Ben, c'est parce que ça n'avait pas encore eu lieu, parce que l'émission est mercredi. Puis c'était mercredi et jeudi que c'était annoncé. Donc nous voilà en train d'en parler. On parle de nouvelles cases horaires, entre autres pour Jane the Virgin, Riverdale et Dynasty, bien sûr, qui s'en vient. Donc l'horaire va voir Jane the Virgin se réunir avec la série Crazy Ex-Girlfriend les vendredis, alors que le mercredi va devenir la soirée des soaps pour adolescents avec le reboot de Dynasty, mis ensemble avec Riverdale, le succès qui parle de la gang de Archie. Le drame de DC Comics Arrow déménage au jeudi pour se réunir avec Supernatural, qui est encore un énorme succès après quoi 13 saisons. Hein? Supergirl glisse d'une heure le lundi à 20h au lieu de 21h pour faire de la place à Valor. C'est un drame militaire. C'est une grosse mode cette année à l'automne pour les États-Unis. Beaucoup de séries religieuses, beaucoup de séries militaires, comme si on était à l'ère d'un moron supposément religieux qui tripe sur l'arme. Ben, je vois pas de quoi tu parles. J'ai aucune idée de quoi on parle. The CW donc a présenté son horaire à New York devant la presse et devant les médias. Le mardi va rester statu quo avec The Flash à 20h, suivi de notre drame de super-héros Legends of Tomorrow de DC. Voilà. Mercredi, Riverdale, basé sur Archie, comme j'avais dit, qui va mener avec Dynasty à 21h. Sinon, je pense que le reste, je l'avais pas mal déjà dit. Il y a deux nouveaux drames qui s'en viennent à la mi-saison de DC Comics. Il y a Black Lightning qui s'en vient et la nouvelle émission de Lucy Hale qui s'appelle Life Sentence. Lucy Hale qui était dans Pretty Little Liars. Il y a le retour de The 100, The Originals. Ça, c'est les vampires originaux basés sur Vampire Diaries. Et iZombie. L'émission avec la fille qui mange des cerveaux, qui a l'air vraiment bonne, je sais pas. Donc c'est ce qui se passe pour The CW, juste un petit suivi de ce qu'on avait dit la semaine passée. Parlant de suivi de ce qu'on avait dit la semaine passée, j'avais parlé lors de notre segment sur ABC que Last Man Standing, la sitcom de Tim Allen, n'allait pas revenir après 6 saisons. C'est une grosse surprise parce que c'est un énorme succès. Numéro 2 des codes d'écoute en termes de sitcom, quelque chose comme ça chez ABC. Donc 20th Century Fox va chercher une nouvelle maison pour Tim Allen. Apparemment qu'on magasine ça pour essayer de diffuser ça ailleurs. C'est sûr que les séries, plus le temps avance, plus elles coûtent cher pour le réseau parce que le réseau doit payer des frais de plus là, quand l'émission revient, des frais qui étaient payés par d'autres. Bref, on magasine ça. Ça pourrait revenir. Ça va être assez difficile de trouver un nouveau réseau. Par contre, comme je disais, les coûts de la série sont beaucoup plus élevés. Les acteurs coûtent plus d'argent aussi. Et les multicams qu'on appelle les sitcoms qui sont filmés à plusieurs caméras devant public sont pas ce qui est le plus populaire chez les 4 grandes chaînes. Peut-être que ce sera sur Netflix, peut-être que ce sera sur Hulu, peu importe. C'est déjà arrivé. Mindy Project qui est allé sur Hulu. Il y a plein d'autres émissions qui sont déménagées sur Netflix à travers le temps depuis les dernières années. Donc on leur souhaite bonne chance. Dans leur 6e saison, Last Man Standing avait fait 1,2 de code d'écoute, 6,4 millions de téléspectateurs au total, selon Nielsen. Et Tim Allen a écrit sur Twitter qu'il était étonné et pris par surprise et même fâché par le réseau qu'il avait appelé sa maison pendant les 6 dernières années. Donc il s'est fait vraiment prendre par surprise, c'était supposé revenir, c'était un gros succès. Tirer à plug dessus, ça fait mal. Ensuite, la bataille des musicals à la télé. ABC veut changer un petit peu le monde des musicals. Tu sais que sur Fox, NBC, bon, on a repris des chansons de Dolly Parton pour faire des musicals. On a fait, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Peter Pan, il y a eu Grease, refait live à la télé. Donc maintenant, ABC s'inspire des classiques de Disney pour faire la même chose. Hein? Donc NBC qui a commencé en décembre 2013 pour la première fois avec The Sound of Music qui prépare présentement Bye Bye Birdie avec Jennifer Lopez pour le mois de décembre. Présentement il y a aussi dans ce qui s'en vient Jesus Christ Superstar en avril. Fox va faire Rent bientôt vraiment très cool. Ren, j'adore ça. Et A Christmas Story qui s'en vient. Donc, ABC, lui, va faire The Little Mermaid, La Petite Sirène. Oui, en musical live. C'est selon le chef de la programmation, Robert Mills, chez ABC, qui a dit qu'on espère faire plus avec les musicals de Disney à travers les prochaines années. Il faut juste choisir le bon moment, dit-il. Donc, on va voir. Il y a plein de détails sur qui va jouer là-dedans et code d'écoute des précédentes comédies musicales. Allez voir l'article de Variety sur assemblagerequis.com. Toujours chez ABC, on va ramener aussi Dirty Dancing. Je me rappelle avoir déjà glissé un mot là-dessus dans les derniers mois. Maintenant, c'est confirmé. Le remake du film de 87 qui apparemment n'a aucunement la passion et le plaisir de l'original. Ouais. C'est vendeur. C'était très, très vendeur. Encore un autre très, très long article de Variety. Je crois que ça parle. C'est ça, c'est une critique, voilà, de Dirty Dancing, si ça vous intéresse. Ensuite, on va sur TBS avec Daniel Radcliffe de Harry Potter et Owen Wilson qui vont être les vedettes d'une comédie d'anthologie sur TBS qui va s'appeler Miracle Workers du producteur exécutif de Saturday Night Live, Lorne Michaels. Donc, il y a beaucoup de gros noms, hein. Miracle Workers, une comédie d'anthologie mettant en vedette Daniel Radcliffe et le vétéran du cinéma Owen Wilson. La série créée par Simon Rich, dont la série Man Seeking Woman a été retirée par FX il y a quelques semaines. Après 3 saisons. Ça devrait être lancé en 2018 avec 7 épisodes. La première saison va être basée dans un environnement de travail situé au paradis. Donc Radcliffe va jouer Craig, un ange de bas niveau responsable de gérer les prières de l'humanité. Et Wilson va jouer le patron de Craig qui s'appelle Dieu, God. Et puis pour empêcher la destruction de la Terre, Craig va devoir réussir à faire un miracle impossible, nous dit-on. Quand même, ça a l'air d'une pas pire idée. Ça va être, comme je disais, Lorne Michaels qui va être le producteur exécutif avec Rich, Wilson et Radcliffe ainsi que Andrew Singer de chez Broadway Video qui vont être producteurs de la série en association avec Studio T de Turner. On va surveiller ça chez TBS. Toujours chez TBS, Snoop Dogg, Snoop D-O-double-G qui va animer le quiz de Joker's Wild, un reboot. Tu sais, on reboot tout dans la vie. Ah oui. On reboot un quiz. Après coup de foudre à V télé, voici The Joker's Wild sur TBS. Donc Snoop Dogg va animer ça pour la chaîne câblée. Sony Pictures Television va diffuser va produire cette série d'une demi-heure et qui va se passer dans un faux casino. Avec de gigantesques dés, de grosses cartes à jouer, des questions et des réponses, et une grosse slot machine, comme dans l'original. C'est Snoop Dogg qui va être producteur exécutif du projet, avec Michael Strahan, l'animateur de Good Morning America, le gars qui fait présentement la pyramide de je sais pas combien qu'elle vaut, what, million dollar ou 10 million? En tout cas, une pyramide, là, il y en a plusieurs pyramides. Le quiz de pyramide. Qu'on ramène Jean-Sébastien Benoît. Non! Ça me surprendrait pas un jour! Ouais. Voilà, donc pour The Joker's Wild qui s'en vient sur TBS dans le futur. Maintenant, on va chez The CW. Il va y avoir, on a parlé de Supernatural tantôt, il va y avoir un épisode animé, dessin animé, crossover entre Supernatural et Scooby-Doo. La saison prochaine sur The CW, ça te surprend, ton air dubitatif comme tu m'as dit tantôt. Donc le drame fantastique vétéran de CW va faire un épisode animé focusé sur Scooby-Doo dans sa saison 13. J'avais dit 13 tantôt, j'avais raison. Donc c'est ce qu'on a dit lors du upfront, lors de la présentation de l'horaire d'automne. Les personnages de la franchise animée, Fred, Daphné, Velma et Shaggy, ainsi que le Great Dane, c'est quoi en français un Great Dane? Le Grand Danois. Un Grand Danois, merci. Scooby-Doo vont résoudre des mystères avec des créatures surnaturelles, bien sûr. Ça va être plein de mésaventures. Parfait pour Supernatural, je pense. Pour vrai, ça fit au bout, là. Scooby-Doo, les fantômes. C'est sûr, que ça fit, mais quand même, c'est pas le même genre d'univers. Non, vraiment pas, mais ils sont du genre à faire des trucs originaux pas mal Supernatural, donc j'aime ça, j'aime l'idée. J'ai bien hâte de voir ça, ça s'en vient. Plus tard, on n'a pas de date pour l'instant. Ensuite, est-ce que t'es un fan de American Ninja Warrior? Ça ressemble un petit peu à un jeu de plateforme, puis tu cours sur des affaires. De genre de Vikings, puis de... Ouais, mais c'est une course à obstacles, exactement. Donc, Stephen Amell... Amell? De The Arrow? Hein? va être parmi les vedettes invitées, oui, d'une version célébrité de American Ninja Warrior dans un épisode diffusé dans le cadre du Red Nose Day. Plusieurs célébrités vont se mesurer à une course à obstacles. En fait, ça a lieu demain soir, 25 mai, pour ceux qui écoutent en direct. Ou sinon ce soir pour ceux qui écoutent le jeudi. Ou sinon il y a quelques jours pour ceux qui écoutent le mardi. Ça devient plate, hein? Les célébrités. Et là je dis célébrités, tu me diras si t'es connecté, hein? Donc Stephen Amell de Arrow, ça va. Erica Christensen, qui jouait dans Parenthood. Jeff Dye, qui joue dans Better Late Than Never. Ashton Eaton, qui ont même pas pris la peine de marquer dans quoi qu'ils jouent parce qu'on le connaît pas. Nikki Glaser de Not Safe with Nikki Glaser. Derek Hough de World of Dance. Natalie Morales, animatrice au Today Show et à Access Hollywood. Nick Swisher de Spartan Ultimate Team Challenge. Et Mina Suvari, qu'on connaissait dans le temps, de American Woman maintenant, apparemment, elle existe encore. Donc, oui, des vedettes. Un calibre. C'est aussi grand calibre que Dancing with the Stars. Rendu là. Comic Relief, qui est une organisation caritative fondée au Royaume-Uni en 85 par le scénariste Richard Curtis et Alexander Mendes en réaction à la famine en Éthiopie. Tous les deux ans, le Red Nose Day, un téléthon l'un des plus importants d'Angleterre, a lieu en mars. Et il y a une version américaine, bien sûr. Ninja Warrior, qui est un jeu télévisé d'origine japonaise, la version américaine est sur NBC. La saison 9 va être lancée le 12 juin. Ensuite, Oliver Stone. Là, la gorge commence. Ça fait quoi? 16 minutes? C'est plus long que l'autre bloc tantôt. L'autre bloc, c'est 6 minutes avant que je m'étouffe. Délicieux. Tu te débrouilles. C'est délicieux. Donc, Oliver Stone, merci, va réaliser une série sur Guantanamo. Il a accepté de réaliser son premier projet scénarisé pour la télé, soit une série sur le centre de détention de Guantanamo Bay. Weinstein Television a annoncé au Festival de Cannes avoir fait l'acquisition de Guantanamo. C'est le titre. Cette série, ils n'ont pas fait l'acquisition de Guantanamo. Ils ont acheté à prison. Cette série entend explorer les plus sombres coins du centre de détention établi afin de détenir des individus soupçonnés d'être des militants islamistes. Cinéaste oscarisé pour le film sur la guerre du Vietnam Platoon en 86, Oliver Stone, que j'appelle aussi Olivier Lapierre, projet de réaliser toute la première saison qui a été conçue par Daniel Vol, qu'on connaît pour Lie to Me et The Blacklist. La série va plonger dans la vie de détenus, de soldats, de juges, d'avocats et de journalistes, entre autres à Guantanamo Bay. Le centre de détention est célèbre notamment pour les techniques d'interrogatoire qui ont été utilisées sur les prisonniers. La prison de Guantanamo a été créée en 2002 dans les actions de l'administration américaine ayant suivi les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Ensuite, un épisode de les fans de Twin Peaks, en fait, en Italie, ont reçu quelques épisodes trop tôt à cause d'une gaffe de Sky Italia. C'est un câble distributeur. Fou, hein? C'est donc quelqu'un chez Sky Italia qui était peut-être un petit peu trop excité pour la venue du nouveau Twin Peaks. Donc, le réseau a prématurément posté les deux premiers épisodes de la série de David Lynch, les retirant après environ 6 heures. Ça restait en ligne 6 heures. C'est beaucoup de temps pour ceux qui regardent sur Internet. Hein? Action-réaction, tu sais. Donc, les épisodes sont apparus sur les plateformes en ligne du réseau Now TV et Sky On Demand vers les 6h du matin. Alors, le cas, c'est quand même, je veux dire, 6h, ça veut dire ça mène à midi. Là. C'est quoi le monde? T'es couché dimanche matin, probablement? C'est un dimanche, faut dire. Il était tout à la messe. C'était tout à la messe. Ça a été enlevé vers les 11h30, nous dit-on, heure locale. À l'origine, le plan était pour que Sky Italia les diffuse à 3h du matin le lundi, synchronisé avec la première américaine sur Showtime. Le réseau donc devait garder ça bien serré dans sur leur tablette et ça finit par sortir par une gaffe. C'est pas la première gaffe de cette nature-là pour Sky Italia. L'année passée, ils ont diffusé la finale de MasterChef Italie sur demande à certaines personnes inscrites à leur vidéo sur demande avant la première à la télé, ce qui a révélé le gagnant. Ou la gagnante, on s'en fout. Ah. C'est des... Wow. C'est... Il y a personne qui a perdu sa job à date, on dirait. En tout cas, je sais pas. Ouais, c'est spécial. Il nous reste 3 nouvelles, je pense qu'on va continuer cette enquête-là. Netflix a commandé une série inspirée de The Witcher. Est-ce que tu connais The Witcher? Oui. Jeu vidéo, hein? Ils vont pouvoir, donc les fans, pouvoir se régaler en voyant leur héros s'affronter dans une série du même nom. C'est ce que le créateur de la saga a annoncé dans un communiqué. Andrzej Sapkowski, à qui l'on doit toute une série de romans mettant en scène le héros Geralt de Rive et qui ont servi de base au jeu The Witcher, sera impliqué dans le projet en tant que consultant. Dit-il. Pour la petite histoire, The Witcher avait donné naissance à une série télé avant même de devenir un jeu vidéo. C'était il y a 15 ans en Pologne, le pays d'où vient l'auteur, mais la série n'avait pas connu un succès à l'international. Peut-être que c'est parce que c'était tourné en polonais avec des acteurs locaux. Peut-être. Nous dit l'article de Quick.com. Mais c'est bien qu'il reste là comme consultant et non pas comme producteur-réalisateur. Laisse ça à des scénaristes, des producteurs qui sont habitués de faire cette job-là. Écris, toi, tu sais. C'est ça. Fais juste, tu sais. Sois là pour consulter. Ouais, c'est ça, comme consultant. S'ils ont des questions, ils vont t'y poser, puis tu répondras. La version commandée par Netflix sera tournée en anglais et produite par Sean Daniels, à qui on doit La Momie, The Expanse et Ben-Hur, le plus récent film. Le casting n'est pas connu pour l'instant. On sait que Netflix est habitué à recruter des stars du petit écran ou du grand écran pour se donner un petit peu plus de crédibilité. Donc, qui va tenir quel rôle, on le verra plus tard. Toujours sur Netflix, est-ce que tu connais The Dark Crystal? Non. série donc qui va revenir avec ça va être un prequel, donc ça va se passer avant l'original. C'est par Jim Henson des Muppets, donc Jim Henson Company. C'est un film en 82 de Dark Crystal, donc ça va être un prequel en série qui va aller avant. Ça va commencer à être filmé cet automne avec Louis Leterrier, qu'on connaît pour Now You See Me, le film de magie vraiment cool, et The Incredible Hulk. C'est lui qui va être producteur exécutif et réalisateur. Il y a une petite bande annonce disponible sur assemblagerequipe.com. Ça va être une série en 10 épisodes, série fantastique qui va se passer, comme je disais, plusieurs années avant les événements du film. Ça va être filmé au Royaume-Uni avec une distribution de créatures fantastiques créées par, évidemment, le Jim Henson Creature Shop, donc les marionnettes de Jim Henson, et par Brian Froud, le designer conceptuel du film à l'origine. Voilà, donc ça va être une série originale de Netflix. Beaucoup d'autres détails dans l'article sur assemblagerequipe.com. Et finalement, dernière petite nouvelle, l'arrivée des séries télé originales sur Facebook, on avait parlé de ça dans les dernières semaines, apparemment c'est encore repoussé un peu, donc Facebook attend avant de faire des séries télé. Selon Recode, Facebook envisageait originalement lancer au printemps ses séries télé. Il leur a malheureusement fallu reporter et le lancement était prévu en plein milieu de l'été. Et le développement produit et non... le développement produit et non la production des séries en elle-même. Difficile pour l'heure de savoir si ces séries auront leur propre section sur le site de Facebook ou si les créateurs de contenu et d'autres éditeurs hébergeront le contenu sur leur propre page. Facebook n'est pas encore officiellement entré dans les détails et ce silence ajoute évidemment au mystère. Mais peu importe le délai, finalement, nous dit UberGizmo.com, le réseau social continue de s'établir sur le marché du streaming vidéo en signant notamment un partenariat avec Major League Baseball pour diffuser gratuitement 20 matchs de la saison à venir aux États-Unis. Mm-hmm. Évidemment, ils ont beaucoup de succès aussi sur les fusillades, les suicides en direct, tout ça. Fait que ça pourrait... Ah, c'est des vidéos qui apparaissent. Ouais, hein, c'est... Mais j'avais entendu la nouvelle à la radio, par contre, pour les Major League Baseball. Oui, oui. Pour Mathieu Planchon, t'écoutes d'autres choses? Ça, ça arrive. Mais c'est parce qu'à Joliette, on entend moins bien C'est fou. Mais c'est mieux d'entendre C'est fou qui griche que d'entendre des radios commerciales, c'est quoi ça? Si au moins on l'entendait qui griche. On va en parler au boss, on va en parler au boss. Voilà pour Television Television. Maintenant, on s'en va entendre du Chiptune encore un petit peu. Alors, on s'en va entendre quelque chose qui vient de Metal Case, Mental Case. Ah, ça, c'est le nom de la pièce, oui. Par Vidboy, c'est du Chiptune qui nous fait vibrer, nous dit-on. Donc, on écoute Hello World, intro, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est fou. Thank you. vous êtes assez fous. 89. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Jazz, chiptune, science-fiction de Schnabubula, Cyber Psycho 4141, Perfect Best Selection, c'est le nom de l'album, et la pièce est Let Us Yet to the Moment of Exact Goal. Oui, ce sont des noms particulièrement difficiles à dire, mais c'est comme ça. Avant ça, on a entendu le chiptune vibrant, nous dit-on, comme j'ai dit tantôt, c'est ce que même disent. Donc, du chiptune un petit peu éclectique par Vidboy, la pièce est Hello World Intro, à jouer au début, juste avant la pause. Voilà. Maintenant, j'ai dit tantôt que j'allais faire moins de contenu aujourd'hui, j'en ai fait pas mal autant que d'habitude, donc prenons ça relax pour le reste de l'émission, écoutons un petit peu de musique, et j'ai eu envie d'écouter un album vraiment, vraiment très, très bon. C'est l'album Who Loves the Sun par le J. Arthur Keats Band. Je joue le J. Arthur Keats Band depuis très, très, très longtemps, que ce soit Mathieu Plancho ou dans d'autres émissions avant que ça existe. J'ai toujours adoré ça, c'est de la musique chiptune, mais en même temps un petit peu rock, mais en même temps chantée. C'est quand même assez original. On se rappelle dans le temps de leur maxi Pamplemousse qui était vraiment excellent. Et là, ils ont sorti un album récemment au début de l'année, en janvier. qui s'appelle Who Loves the Sun, comme j'ai dit. Je vais vous présenter les deux premières pièces de l'album et suivi d'une des dernières. Donc, on va commencer avec Bury Me With My Watch et Straight From The Tap. Et après ça, on écoutera la pièce numéro 11, Running a Masterpiece. Mais on commence avec Bury Me With My Watch. Le J. Arthur King's Band au Mathieu Planchou. On rhythm, even when it skips, you drank every bottle, you caught all the drips. But your love, it comes from a glacier. And when nothing is moving, that last belly flop will hurt more than ever, just skin against slop. But your love, it poured out so even. I never went thirsty a day. Tips when it sways. glass has a chip. I can't sit here holding my breath for eternity, sipping champagne from a glass that wasn't meant for me, and spilling out onto you, ruining a masterpiece you can't cover up with another coat of harmony. I can't sit here holding my breath for eternity, sipping champagne from a glass that wasn't meant for me, and spilling out onto you, ruining a masterpiece you can't cover up with another coat of harmony. Be my worst half. trois pièces du plus récent album du J. Arthur King's Band, Who Loves the Sun. On vient d'entendre Ruining a Masterpiece. C'était précédé de Straight from the Tap et de Bury Me with My Watch. L'album est sur Bandcamp de J. Arthur King's Band.bandcamp.com si ça vous intéresse. C'est fun parce que c'est comme du chiptune, mais comme caché en arrière-plan. C'est subtil comme chiptune. Maintenant, on va faire un petit bloc sur Sonic the Hedgehog. Pourquoi pas changer de domaine un petit peu. On va commencer avec un drummer sur YouTube qui s'est fait connaître avec des chansons de Mario. Et maintenant, il a décidé de faire du Sonic un petit peu. Donc, c'est un petit medley de 8 minutes des plus grands succès de Sonic. C'est par Vadrum, aussi connu sous le nom de Andrea Vadrucci. C'est un batteur, un drummer italien qui s'est fait environ 83 millions de visionnements sur YouTube depuis 2006. Trois performances de chansons de Mario en 2008 lui avaient donné plus de 12 millions de views. Et maintenant, donc, il focus un petit peu sur Sonic the Hedgehog. Donc, voici son super gros jam tout de suite au Mathieu Blanc Show. Supersonic de HWA featuring Sonic the Hedgehog, sorti en 1992. C'est un single par Internal Affairs, qui est une compagnie de Zomba Records, propriété de Sony Records. C'était la première chanson pop comme ça connectée à la franchise de Sonic the Hedgehog en 1992. Avant ça, on a entendu une pièce, en fait un medley de chansons de Sonic par Vadrum, Andrea Vadrucci, le drummer italien qui a fait des millions de views sur YouTube. Donc Vadrum qui travaille avec un kick drum, 4 toms, 3 percussions, 2 snares et un paquet de cymbales. On dit 12, voilà. Donc si vous voulez aller voir Vadrum, c'est sur assemblagerequis.com. Maintenant, on s'en va entendre d'autres pièces chiptune pour le reste de l'émission. Je l'ai dit, aujourd'hui j'ai un petit rhume, donc je parle un petit peu moins. Quand je parle, c'est pas super le fun. Donc on s'en va entendre un album qui s'appelle Extended Pixels. C'est en 2009 qu'on a sorti Extended Pixels, c'est un maxi par le band de chiptune rock 8-bit Instrumental. On s'en va entendre la pièce Atari Age, Lobe Remix. C'est bien ça, oui, Lobe Remix. On s'en va entendre ça et après ça, ce sera Mind Brothers. Au Mathieu. We'll be right back. 8-bit instrumental avec Mind Brothers, précédé de Atari Age Lobby Remix. Oui, un petit peu de chiptune à l'arrière-plan, encore une fois. C'est sur leur maxi Extended Pixels, More Music from Lobby, qui date de 2009. C'est des chansons instrumentales de jeux vidéo classiques avec un petit peu d'instruments, en fait, qui sont joués en direct par un band, qui est donc le band 8-bit instrumental. C'est quand même un bon mélange. Le maxi est disponible pour 5$ sur Bandcamp, si ça vous intéresse. Nous, c'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct, les mercredis à 15h. On rappelle jeudi à midi, mardi à 10h et samedi à 9h. Assemblage requis tous les jeudis de 14h à 17h. Soyez ici pour la prochaine émission. Ça va être notre spécial, une grosse pointe d'adresse. Allez voir site.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes d'émission, les balados diffusion. On va se quitter avec du Tarantino 8-bit, un petit peu de Pulp Fiction avant Audiomatique qui commence à 17h pour les auditeurs du mercredi. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, ainsi que de Frédéric Simon, c'est le Mathieu Plante, vous avez été planté. Bye bye.